Christ, Ndikomanyanga. Alphonse Koguimana sur la mise en onde et bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à ce journal. Et donc, voici d'abord le sommaire. Le manque d'eau potable fait parler de lui dans les quartiers nord de la capitale économique Bujumbura. Les habitants du quartier Mirango et les patients hospitalisés à l'hôpital dit chez Johnson en zone Guiocha déplorent qu'ils peuvent passer au moins plus d'une semaine sans eau potable. Et à ce sujet, le directeur général de la Régie des eaux indique que le projet de traitement de l'eau du lac Tanganyika pour un coût qui s'élève à 100 millions de dollars qui va bientôt démarrer avant la fin de cette année est l'une des solutions durables à la pénurie d'eau potable à mairie de Bujumbura. Et le président du collectif et des associations des personnes infectées et affectées par le VIH-SIDA Capes Plus, Hamza Vena Burikokie, demande au gouvernement de revoir le financement dans le programme de lutte contre le VIH-SIDA, car après le départ des partenaires, les personnes vivant avec le VIH sont en difficulté. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal et par la page Société. Certains habitants du quartier Tava, zone Guiocha, nous sommes au nord de la ville de Bujumbura, se plaignent suite au manque d'eau potable. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce lundi ont indiqué qu'ils peuvent passer entre 3 semaines et 1 mois sans eau potable. Ces citadins du nord de Bujumbura, la capitale économique, disent qu'ils doivent faire 3 kilomètres pour s'approvisionner dans d'autres quartiers où un bidon d'eau potable de 20 litres s'achète entre 1000 francs et 1500 francs burundais. Ces habitants craignent de maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène et demandent aux autorités de trouver rapidement une solution à ce problème. Les détails dans ce reportage d'Alexis Naysink. Dans certaines rues du quartier Taba, situé dans la zone Kamenge, à environ 9 km du centre-ville de Bujumbura, on aperçoit des habitants avec des bidons et des eaux en train de chercher de l'eau. Pourtant, les robinets que nous avons croisés semblent tous à sec depuis longtemps, ce qui complique fortement la vie des habitants. Selon leur témoignage, l'inquiétude principale est qu'ils pourraient contracter des maladies liées au manque d'hygiène. Par la voie téléphonique, nous avons contacté le responsable du quartier Taba qui nous a informé que le problème d'approvisionnement en eau a été soulevé lors des réunions de sécurité, mais qu'aucune solution n'a encore été mise en œuvre. Il explique aussi que les habitants avaient l'habitude de s'approvisionner à la source connue sous le nom de Amazi Water, mais que celle-ci est également à sec en cette période. Ces habitants demandent à la société de distribution de l'eau, Régie des eaux, de trouver une solution durable et urgente à ce problème qui concerne également d'autres quartiers périphériques de la ville de Bujumbura. Alexis Ndaysenga, le manque d'eau potable s'observe également au centre de santé de Kigobe, connu sous le nom de chez Johnson, dans le quartier Muyaga, zone Guiocha, au nord de la ville de Bujumbura. Les patients déplorent le fait qu'ils peuvent passer une semaine sans eau, ce qui ne leur facilite pas à faire les travaux de propreté. Cela est confirmé par Faines Nakiruta, directeur de ce centre de santé, qui demande à la Régie des eaux de résoudre ce problème. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakouma. Les patients rencontrés à ce centre de santé de Kigobe, connu chez Johnson, s'inquiètent qu'ils peuvent attraper les maladies liées au message suite à cette pénurie d'eau potable. Cette garde malade le déplore. On manque de l'eau parce que les malades ont besoin de l'eau, même les autres personnes qui sont ici à l'hôpital. On manque de l'eau parce qu'il n'y a pas qu'on utilise pour soigner les malades. Il y a beaucoup de maladies. S'il y a le manque d'eau, ça nous affecte. Memesodo croche avec finesse nakiruta titulaire de ce centre de santé qui déplore que peut provoquer la transmission des maladies entre les infirmiers et les malades. La situation est grave parce que d'abord nous avons un grand nombre de malades qui nous consultent. Alors la situation est que parfois nous avons 2, 3, 4 jours sans aucune goutte d'eau dans la régie des eaux. Il y a des fois où même ça peut arriver à une semaine sans avoir de l'eau ici. Vous comprenez très bien que c'est un problème grave dans la mesure où nous ne sommes pas capables de continuer à bien travailler si nous n'avons pas assez d'eau. Les conséquences sont très nombreuses. Vous savez, en ce qui concerne nous qui exerçons son métier, cet art de guérir, nous avons vraiment besoin de l'eau beaucoup plus que d'autres métiers parce que c'est un lieu d'infection. Donc, voyez-vous, il nous est conseillé de nous laver les mains chaque fois que nous sommes en train de faire la consultation. Vous touchez un malade, vous n'avez pas le droit de toucher un autre sans vous avoir lavé. Vous comprenez très bien que si vous ne vous lavez pas, vous transmettez les maladies à l'autre qui va suivre. Et vous-même, vous êtes dans une situation de pouvoir vous contaminer à partir de ces malades que vous traitez. Cette autorité indique que les patients accusent plus souvent la direction comme responsable de ce manque d'eau potable. Je vous dévoile que ça peut arriver à ce que même les infirmiers et infirmières qui vont voir les malades nous donnent des rapports qu'ils se cachent, ils ne veulent pas entrer dans les chambres des malades parce que les malades directement les attaquent en disant « Pourquoi nous n'avons pas d'eau? Pourquoi vous ne nous donnez pas de l'eau ?» Ça nous pose des problèmes, il y a, je dirais, un conflit entre nous et les malades à cause de cette pénurie d'eau. Finesse Nakiruta demande à la régie des eaux d'intervenir pour le bien-être des patients. Merci à Jean-Marie Vianney Nguinda Koumana. Sur ce sujet, le directeur général de la Régie des Eaux indique que le projet de traitement de l'eau du lac Tanganyika pour un coût qui s'élève à 100 millions de dollars américains qui va bientôt démarrer avant la fin de cette année est l'une des solutions durables à la pénurie d'eau potable en mairie de Bujumbura. Jean-Albert Manigomba dit que le manque de planification qui va d'opérer avec l'agrandissement de la ville de Bujumbura et la source de cette pénurie d'eau, c'est au moment où, dans plusieurs quartiers de Bujumbura, cette pénurie cause des lamentations au sein de la population. Suivez le directeur général de la régie des eaux dans ses propos recueillis par Aaron Douayetsu. Il y a eu le manque de planification parce que 95% de la production d'eau que nous avons, c'est un projet qui a été monté il y a à peu près 45 ans. C'était en 1985. Alors, ce projet allait suffire à la population de Bujumbura jusqu'en 2005. Alors, depuis 2005 jusqu'à 2025, il faut regarder comment la capitale de Bujumbura a été augmentée. Et puis la régie des eaux n'a pas suivi le même rythme pour augmenter la production. Et encore l'autre problème, les nouveaux quartiers que nous voyons, ce sont des quartiers qui ne sont pas viabilisés. C'est tellement très difficile de pouvoir les raccorder facilement parce que la plupart, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de route et le dimensionnement des tuyaux est très, tellement très difficile. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer, par exemple, ton voisin a de l'eau, mais toi, tu n'as pas de l'eau parce qu'il n'y a pas eu des études. Mais depuis il y a 4 ans, nous avons essayé quand même d'augmenter la production. Il y a eu des sources gravitaires que nous avons déjà terminées à exécuter. On peut citer par exemple AEP Matiazo, il y a AEP Nyamurunga 2, il y a AEP Mutambu. Maintenant, on est en train d'exécuter un autre projet AEP Sagara que nous comptons terminer d'ici fin du mois d'août au plus tard. Il y a aussi d'autres projets en cours d'exécution. On peut dire l'AEP Nyamufu et AEP Gomvi. Viendra quand même alléger la pénurie d'eau. Mais ça ne va pas résoudre définitivement le problème. Il y a un grand projet alors qui va résoudre le problème. C'est le projet que nous sommes en train de mettre en place avec l'appui de la Banque mondiale. C'est le traitement d'eau du lac Tanganyika, aussi de Dikapital. C'est un projet qui va coûter à peu près 100 millions de dollars. On est en train de mobiliser le financement. Plus de 80% de fonds nécessaires sont déjà mobilisés. Et on compte alors démarrer ce projet avant la fin de cette année. Et en plus, ils sont qu'on peut signaler, pendant la saison sèche, l'eau en provenance de Bujumbura, l'eau souvent diminue. Mais on est en train de faire tout le possible pour quand même voir comment essayer de résoudre le problème. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Placées à la page santé, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont en difficulté depuis que les États-Unis ont suspendu ses actions pour lutter contre ce fléau. Propos du président du collectif et des associations des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida CAPES Plus, Hamza Vena Bourikoukier demande au gouvernement de revoir le financement dans le programme de lutte contre le VIH-Sida après le départ de ses partenaires. On l'écoute. Vraiment, il y a recrudescence des cas de nouvelles infections du VIH. Ça, c'est l'évidence. Et je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour cela. Le gouvernement américain a suspendu ses appuis dans l'intervention de lutte contre le VIH-Sida, qui passait à travers l'USAID. L'USAID qui est déjà d'ailleurs fermé officiellement. Donc, ça a vraiment perturbé les activités de lutte contre le VIH-Sida. Il y a des activités qui ont été pénalisées et paralysées. Et il y a même de la panique qui a envahi les prisons déjà vivant avec le VIH-Sida. Ils vont manquer de médicaments et qu'on sait très bien que le Fonds mondial, le grand contributeur du Fonds mondial, c'est le gouvernement américain. Et alors, si le gouvernement américain commence à retirer ses apports, ses contributions, vous savez très bien que même le Fonds mondial va être touché. Donc c'est ça qui a pu quand même diminuer l'allure de lutte contre le sida, des activités de prévention, et aussi des activités de dépistage, et ça a un peu diminué. Donc ça aussi c'était un défi. Mais au moment où on commençait à mettre tout en place pour pallier à ce défi, c'est là alors où le gouvernement américain a pu retirer ses aides, qui a perturbé toutes les initiatives, tous les efforts déjà entrepris. Et on a seulement resté avec le Fonds mondial, qui aussi a été touché, puisque maintenant on est dans la phase de la repriorisation des activités. Nous avons demandé qu'il faut nous réunir, qu'il faut nous écouter, échanger, contribuer, donner des avis, des considérations, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce fléau, malgré les faibles ressources qu'on a déjà. Avec ce qu'on peut mobiliser au niveau pays, qui s'ajoute aux quelques appuis de partenaires qui sont encore disponibles, on peut faire quelque chose si tout le monde est engagé dans ce sens. Donc nous disons que c'est une bonne chose que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé contre le sida, devrait vraiment prendre en main et voir comment mener ce combat pour que comment ce fléau puisse arrêter. L'actualité continue sur les zones de la radio Isanganiro. La corruption, les malversations économiques ainsi que le favoritisme sont parmi les obstacles qui freinent le développement du Burundi, empêchant ainsi d'atteindre sa vision. Samuel Ndahiragije, représentant de la diaspora burundaise, l'a dit ce dimanche lors de la clôture au niveau provincial du concours Inhingi Zimbonakazoza organisé par cette diaspora dans la province de Bujumbura. Il a précisé que c'est justement pour cette raison que cette compétition a été organisée, afin que la jeunesse puisse contribuer à travers ses talents en proposant des idées, des conseils pour le progrès. Il demande au gouvernement d'être responsable à l'éradication de toutes les barrières qui freinent le développement. On l'écoute. Le constat est que la jeunesse a pu participer à 90% dans cette compétition et tout le monde a montré que la vision 2040-2060, c'est une vision noble. Tout le monde, tout patriote doit agir pour qu'on puisse arriver à cette vision. Vous avez pu constater aussi que tous les acteurs preneurs de cette compétition, ils ont pu montrer qu'ils ont soif de la vie réelle, du changement dans la vie quotidienne de tout Burundi. Et aussi, ils ont pu montrer que la corruption, c'est l'un des défis qui ne nous permet pas d'arriver à 100% à cette vision. Ils ont aussi pu nous montrer que l'union fait la force et sans l'unité, sans l'union, on ne peut pas arriver à cette vision. Ils ont pu aussi nous montrer que sans travailler, on ne peut pas y arriver. C'est pour cette raison que j'appelle au gouvernement burundais de prendre sérieux cette vision et les idées. D'abord, le gouvernement, nous avons besoin que le gouvernement soit ferme pour combattre la corruption, aussi inurer tous les Burundais ici et ailleurs et aussi pour changer mentalité au sein des membres de le gouvernement pour qu'on continue ensemble, marcher ensemble pour qu'on arrive à cette vision de 2060. Actualité internationale. En actualité internationale, le Royaume-Uni et 24 pays dont la France, le Canada et le Japon appellent à mettre fin immédiatement à la guerre dans la bande de Gaza. Dans un communiqué commun, une vingtaine de pays adressent un message simple et urgent. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement. Pour les signataires, la souffrance des civils à Gaza a atteint de nouveaux sommets. Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir un cessez-le-feu immédiat et une voie politique vers la sécurité et la paix pour les Israéliens, les Palestiniens et l'ensemble de la région, écrivent-ils. Au Kenya, le défenseur des droits humains Boniface Mwangi a été libéré sous caution ce lundi matin, s'engageant à comparaître en échange de sa libération provisoire. Il avait été arrêté à son domicile samedi pour facilitation de terrorisme lors des manifestations du 25 juin. C'est ce qu'avait initialement annoncé la direction des affaires criminelles. Il a finalement été inculpé ce matin pour possession illégale de munitions, plus précisément 3 grenades de gaz lacrymogène et une cartouche à blanc qui aurait été retrouvée lors des fouilles de son bureau samedi, selon l'acte d'accusation. Des accusations rejetées par le militant qui a dénoncé une tentative d'intimidation de la part des autorités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomanyanga. Bonne suite de nos programmes.